Pierre. Alice. Plus de cris, plus de pleurs, ni de querelles. J'aperçois la colombe sous l'arc-en-ciel. Cette fois on fait la paix. Cette fois on fait la paix. Plus de cœurs blessés, ni de plaintes. Par ici il n'y a plus rien à craindre. Réclame ton aide au nom de tout ce qui nous unit. Plus que le temps d'une trêve, vivons comme les meilleurs amis. Pas une seule rancune, je n'en ai pas une seule. Faisons joie commune, parce que les anges veulent. Plus de cris, plus de pleurs, ni de querelles. J'aperçois la colombe sous l'arc-en-ciel. Cette fois on fait la paix. Rien n'est insurmontable, on devrait pouvoir se comprendre. Déplacer des montagnes, ou juste le prétendre. Vivre côte à côte est tellement naturel. Sois de nouveau mon hôte, et guérissons nos peines. Cette fois on fait la paix. Cette fois on fait la paix.